100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti juste après Default pour La Nocturne, 100% rap français, je vous le disais tout à l'heure, dans Planète Rap, une nocturne spéciale Funky Family à l'occasion d'un concert unique. C'est demain ou tout à l'heure du côté de Marseille à l'Espace Julien. Et pour débuter cette nocturne, connexion avec Marseille, avec Monsieur Sat, ça va bien Sat? Ça va très bien, merci. Et toi Fred? Eh bah écoute, bienvenue dans cette nocturne. La dernière fois que t'es passé, j'ai encore des souvenirs. Je me souviens très très bien de la dernière fois où je suis passé. C'était mémorable. Une nocturne culte qui donne encore mal à la tête. Et si je me souviens bien, c'était déjà une nocturne spéciale FF parce que j'avais interprété beaucoup de couplets de la FF ce soir-là. Énorme, énorme et magnifique. J'ai même réussi à te baquer, donc autant te dire que j'en garde un souvenir encore ému. Ouais, je me souviens que toute l'équipe de Skyrock m'avait très très bien baqué. Je comptais même en prendre quelques-uns avec moi sur mes dates. Eh bah écoute, déjà, il y a une date. Alors, c'est une date un peu particulière parce que c'est pas du tout une stratégie marketing pour lancer un album, lancer une série de tournées. C'est surtout, avant tout, pour saluer Pawn, qui est le producteur, compositeur de la Funky Family. Exactement, Pawn qui est un des membres fondateurs du groupe, qui a composé l'essentiel de notre discographie et qui aujourd'hui doit faire face à une terrible maladie qui s'appelle la maladie de Charcot, qu'on appelle aussi SLA, sclérose latérale amyotrophique. Donc voilà, il fait face à cette terrible maladie avec beaucoup de courage, de dignité. Et nous, face à ça, on a décidé de se retrouver le temps d'un soir, le temps d'un concert, histoire de lui apporter notre soutien à notre manière. Et donc, ça va se passer là dans quelques heures à l'Espace Julien à Marseille. L'Espace Julien où a démarré pour nous. Ouais. Les soirées freestyle, les soirées micro ouvert, le fameux concert en hommage à Ibrahim Ali où on a été repéré par Akhenaton, et puis derrière les premières parties, les concerts en tête d'affiche, voilà, tout a démarré là-bas et ce soir on boucle la boucle en retournant là-bas avec ce concert événement. Voilà, un concert événement avec certainement aussi des invités, je suppose, de la scène marseillaise, hein, ça. Et alors ne cherchez plus de place parce que c'était blindé quoi en l'espace de 24 heures, hein, c'est ça, C'est ça, on a été pris de court, c'est-à-dire que la salle de concert a mis les places en vente en envoyant un communiqué de presse et en moins de, enfin on va dire entre 24 et 48 heures, c'était déjà vendu. On a un peu été pris de court, on a un peu été surpris, mais c'est beau parce que voilà, ça témoigne de l'engouement que les gens ont pour le groupe. Personne ne nous a oublié, puis en plus les gens au travers de cet acte-là, je pense qu'ils tiennent également à témoigner de leur soutien à Pawn. Et aussi, voilà, il y a une petite action à faire en venant au concert, puisque tous les fonds seront ensuite reversés pour aider la lutte, la recherche contre cette saloperie de maladie. Eh ben ouais, je crois qu'il y a différents sites. Il y avait eu d'ailleurs, je me souviens, c'était le fameux Ice Bucket Challenge, hein, pour tous ceux aussi, c'était ça, hein, c'était pour lutter contre la maladie de Charcot, ou du moins apporter des fonds, hein, parce que c'est une maladie qui est orpheline, donc il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas de traitement d'ailleurs qui existe, et je crois qu'il n'y a pas énormément de recherche non plus, donc voilà. Non plus, moi je ne vais pas te mentir, à l'époque je ne savais même pas, enfin je savais qu'il y avait une maladie derrière le Ice Bucket Challenge, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Ouais, tu n'avais même pas capté, ouais. Non, et c'est quand Pawn nous a annoncé qu'il était atteint de cette maladie-là que j'ai fait le rapprochement. Donc voilà, après on sombre pas dans le misérabilisme. On n'est pas là pour on n'est pas là pour s'apitoyer. Voilà, ce soir on va donner un concert. Tu nous connais, les gens qui nous connaissent savent ce que c'est que la FF sur scène. Certes, on n'est plus monté sur scène tous ensemble depuis près de 10 ans, mais je te prie de croire que voilà, ce soir on va monter sur scène pour prendre l'Espace Julien, le retourner, lui mettre le feu et le faire atterrir à quelques centaines de mètres plus loin. Donc voilà, fidèle à nos plus grandes heures de la section Nictou. Et bah terrible. En plus, ça, je crois que là, vous êtes retrouvé un petit peu pour les répètes. En fait, c'est comme le vélo, vous n'avez rien perdu a priori, hein, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a dit. Hein. Écoute, oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, très très vite, tout est revenu. On va interpréter tous les gros titres qui ont fait la carrière et qui ont marqué notre histoire. Tout est très très vite revenu, les réflexes, la complicité, la complémentarité. qui se passe très très bien entre nous. C'est vraiment très très agréable de se retrouver après toutes ces années. C'est vraiment des moments particuliers. C'est dommage qu'un drame ait dû intervenir pour nous réunir, mais écoute, c'est à l'image de notre histoire et de notre nom. On s'appelle pas Tonku Family pour rien. Et ça se passe souvent comme ça dans des familles. Il faut souvent qu'il y ait un événement marquant pour que tout le monde se retrouve et que les liens se recréent. C'est le cas aujourd'hui. Bah ouais, non, mais en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sent pas du tout le plan marketing. Ça sent, voilà, c'est la bande de potes qui veut être là pour leurs potes, pour Pawn, qui, voilà, à un moment, a besoin de se retrouver, de se ressouder et de passer un moment ensemble sur scène, voilà, pour lui témoigner toute la chaleur de ce groupe. T'as tout résumé, j'aurais pas fait mieux, Fred. Et bah, tu sais quoi, donc comme il y a beaucoup de déçus, beaucoup de malheureux qui ne pourront pas assister à ce concert, parce que pour l'instant évidemment c'est ce qu'on disait, donc il n'y a pas de tournée de prévu, il n'y a pas d'autres concerts de prévu, voilà, c'est un one shot pour l'instant. Donc nous, ce qu'on s'est dit pour cette nocturne, on va revisiter, réécouter tous ces morceaux classiques de la Funky Family. On va se plonger directement dans le premier album avec La Furie et La Foi. Et je tenais aussi à te remercier d'être passé rapidement dans cette nocturne, Sat. On t'attend quand tu veux, tu es toujours le bienvenu ici. C'est gentil, je sais que je suis chez moi à la maison dans tes locaux, et je tiens à te remercier vraiment au nom de tout le groupe pour ton initiative de cette nocturne. C'est quelque chose qui nous touche de voir que voilà, tous les gens qui ont été à nos côtés à l'époque sont aujourd'hui encore à nos côtés et nous apportent leur contribution à leur manière. Et on salue très fort et on pense très très fort à Pawn en tout cas. Merci à toi, Sat. C'est cool. Merci à toi, Fred. À très vite. À très vite. Ciao, Sat. Allez, c'est parti. Ciao. Pour un peu plus d'une heure de son de Funky Family. 100% rap français. Planète. La nocturne. Et ça pouvait débuter que par ce morceau. La Furie et la Foi, FF. Maria, la rue, dans la rue à Marseille. Le micro marche, pas besoin de plume pour le prendre. Mets la main sur un joint, ça part en boom, sonne, pousse bombe dessus. Même déçu, bon sang, faut que tu sues. Les box, on vient du sud, pas sûr, alors suis. Je dois dire public merci, comment faire si on me siffle. Je m'imagine sur Percy et je persiste. Le rat manie le mic, l'ami. Comme Manny manie le flingue dans les rues de Miami. La nuit gâtée, RAT va te gâter, mais pas feinté. Si tu viens à péter, beauté ça va se gâter. Mes potes peuvent te guinter, te menter. Norch, le hip hop marche et nous on se torche. Je ne suis pas un prince de galère, comme Bruce. Cracheur de rimes dans une vie de kelbouze et de kebouze. Des fois, j'esbrouffe encore à l'aluminium. J'bouffe, j'bois, j'flamme, jour le mignon. De toute façon, reste nature dans ce dur métier. FF représente tout et plus de pitié présent pour piller. FF sur bras, sec à froid. Viens live, boire et croire à la furie et à la foi. FF sur beat, c'est de la fusillade comme dans les trous, jouer le vite. FF s'infiltre en France sans chercher le hit. Les chacals fâchés fument les shit des fonds. Avec des rimes, peine du liquide, ciao. On défend le hip hop de rue avec furie. On descend les fouets et les intrus, c'est une tuerie. Bouge mec, cherche pas ce qui cloche. On représente nos proches avant de penser à nos poches gaziers. On défend le hip hop de rue avec furie. On descend les fouets et les intrus. Cherche pas ce qui cloche, vas-y remue tes fesses. Fais honneur à la FF, broté Adalia, j'ai tant de motifs ma génération. Attention, furie et foi en mission. FF de Mars à travers la France. On représente nos proches avant nos proches. Et ce à tout prix, faut que mon rap de rue crée la surprise dans ce putain de pays. Quel est le crime si ce n'est dire ce qu'on vit. J'évince le fou, avance et fous le feu. Faux en garde, Bahamou, section funk femme. Action funk fou, donc on nique tout au mic. Ça coûte kung fu. Tu sais, j'viens pas pour défiler ni même pour m'filer. Mais si des maîtres veulent nous défier, on va pas se défiler. 9-7 nec, aide à faible barre. Coup de cocktail explosif, lyrics corrosif. La famille en furie, c'est pas pour le hip-hop, celui de la rue. J'fume, j'prends des cuites, mais pour les hits, j'donne pas mon cul. Faut que le rap sauvage perce, j'y persévère sans cesse. Pour que les trucs stressent, se taisent et disparaissent net. Même combat, de Paris à Marseille. Rien à voir avec les embrouilles bidons, New York, LA. Si t'es down avec ça, vas-y lève ton bras. Bébé, lève ton bas, j'me le mets sur la tête, on fait la nouba. Au fait, moi c'est ça, j'rappe pour la funky. Rien à voir avec ces putains de simples funky. J'ai été percé à coups de coulaine, the gang. J'prétends pas être dans le rap depuis ma naissance, c'est dingue. On défend le hip-hop de rue avec furie. On descend les faux et les intrus, c'est une tuerie. Bouge mec, cherche pas ce qui cloche. On représente nos proches avant de penser à nos poches gaziers. On défend le hip-hop de rue avec furie. On descend les faux et les intrus, c'est une tuerie. Bouge fille, cherche pas ce qui cloche. Vas-y remue tes fesses, fais honneur à la FF, beauté. On défend les jeunes fiers et décidés. Pas la peine d'être aidé, la FF se faufile. Fonce pour accéder à la salle des coffres. Les fractions, dangereux sang, chaud comme le sang. Offre une belle récompense pour les services de mon clan. Celui des ratakans, à qui je dédie mes mots. Don Joa, mon mic et mon manche sont ready. La démo démarre, on crie vengeance. L'état tient trop de monde à l'écart. Regarde, c'est pour Jean Cabriolet. Ma parole, ils ont

Ouais, à ton avis, bon ou mauvais, demande à ton ami, peut-être qu'il nous connaît. Entre le bien et le mal, on navigue. On se dit que tout est écrit et que c'est la vie, quoi qu'il arrive. Le système abîme les nôtres, donc la haine les anime. Et c'est normal si tu la ressens lorsqu'on rime. Certains trouvent incompréhensible, normal, ce n'est pas eux les cibles. Au tribunal, si jamais leur nom qu'on cite, ils n'ont jamais eu besoin de voler pour vivre ou connaître le mal-être à cause d'une vie sans équilibre. Ou se droguer pour se sentir libre, ou se mettre ivre pour oublier le combat qui se livre. Tout ce que je raconte est minime. Je suis ni un caïd, ni un saint, ni à croire la cocaïne. Je suis simple comme mes frères et les tiens, sans rire. Et je sais qu'on nourrit tous le mal et fait la grève de la faim ou bien comme à Ibrahim. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où on emmerde le système, de là où les rues craignent, de là où la haine imprègne, de là où les gens freignent, de là où le bien et le mal règne. Bref, je vois que c'est les mêmes histoires chez les riches et les pauvres. Deal de shit et de gaves et de jeunes qui se gâchent. Dans certains cas, c'est un gag. Prenez des parts en place ou pas, c'est leur ego connard. Et là, y'a plus de blancs et de nègres. Tu perces Mikara, celui qui roule en cabriolet. C'est le même dégoût quand c'est ta chair qui vient te cambrioler. Ou meurt une seringue au bras et complètement isolé. Ça me rend fou de les voir s'abîmer, en est désolé. On a tous des ambitions différentes. Respectons nos différences. Dans nos rues, peu ont les bonnes références. Conséquence, c'est la merde et on s'y accommode. On vit sur les nerfs et y'a plus rien de commode. C'est les sous qui tiennent les commandes. Pourquoi jouer le voyou quand t'as tout ce que tu demandes? Chez nous y'a pas de secret, le pognon régit tout. Les jeux sont faits et en fin de course ils nous désunit tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage. C'est d'où on vient sans savoir où on va. Planète Rap 100% rap français. Spécial FF Marseille, Val Florino, Section Nixto, Bando Clando, Funky Family, Laisse du Neuf. Ok, nique le monopole des grands. Niga, niga. Genre graine de starve, là de la mauvaise herbe. Faut que ça te foute la gerbe, faut que tu digères. Pigé, t'as des emmerdes, du fric peut-être, mais des emmerdes d'anciens. Le monopole touche à sa fin, nos intérêts comme un restreint ne nous conviennent en rien. J'suis pas tout bien assimilé, mais t'inquiète, ça rentre. Toi et moi, ok, c'est pareil, la peur de l'avenir au ventre, ça sortait du ventre. Et maintenant, on prend des rides, la voix rauque. C'est l'argent, celui qui a souffert fera souffrir et souffrira même sous la coque. Mon plan serait de niquer le tien, frère. Préfère à ton image, t'as déjà ma rage, tu récupères ce que t'as pas semé. Et ça plaît pas, c'est dingue, tu rajeunis. Moi, j'prends du vieux qui paiera les dégâts, mes gars et moi, Dieu nous protège. Heureusement les couilles qu'on y met font fond faux concept comme de la neige. Faut que t'acceptes, comment dirais-je, non. Vos vies ne sont plus les nôtres, manège, showbiz, fashion à d'autres. Jeune, moins con, j'suis pas, mais en tout cas à d'autres. J'trouve du fun dans tout ce qui donne espoir. Toute ma putain de rage dans l'art, les glandos viennent de loin. Très loin pour gratter des parts. T'as mis la charrue avant les bœufs et les bœufs niquent la charrue pour mes frères. Dans les yeux, on sait de quoi on parle. Par le bordel percé, on n'a pas le choix, faut percer. J'ai prêté serment sur l'honneur par le sang et les larmes versées. Mais verser sans limite, des mots qui nient comme feu Coluche. FF salue bien bas le public, t'élèves les paluches. C'est clair, surgit, style cyclone. Le souffle d'une bombe sonne comme personne d'autre. Mieux vaut le vrai que mille clones. J'tombe à pic comme l'homme, redistribue la donne, c'est à soi elle donne. C'est bien la cause des miens que je prône. Desperado, j'ai dit bye bye aux illusions, mon radeau. Se taille au large, dans une vie agitée, personne fait de cadeau. C'est pas nouveau, fatalisme et désespérance. 23 années d'errance, ma femme s'appelle persévérance. Face aux souffrances, la douce France nous a-t-elle abandonné? Peut-être pas, en tout cas on voit que le mauvais reflet. Là une vraie connexion pour tout péter, bande au clan d'en attaquant. Nique le monopole des grands, les choses vont changer. Faut qu'on soit plus à manger. FF laisse du neuf, nique tout pas de bluff, nique tout pas de bluff. J'écris, crois en ce que je fais, sinon je m'arrêterai. J'ai beau aimer le rap, j'ai besoin de trahir, me faire de la caille. Ne pas finir à Cayenne, je suis le Cheyenne face au cowboy. Juste un jeune au Savoie, dis-toi qui s'y bat, j'ai trop rappé par bénévolat. Et maintenant, faut qu'on sorte d'ici, qu'on se tire tous de là. Je conspire contre la zig de France, les grands leur monopole, tu sais ce qu'on en pense. Pas le temps de pioncer, le temps c'est de l'argent pour ça, je laisse des fois amorphes. Dès que les freestyles s'amorcent, dis-toi que ça morfe. Ça vend le chier pour les nantis. Effet garanti, un peuple est du neuf, on retentit. Trop tard pour se repentir, ici et là. Continuons comme ça et on s'en sortira d'ici là. Je bosse dur dans l'écriture comme Boss One. Dur dans le rap marseillais, une valeur sûre. L'album est sorti, les jaloux parlent. Je dis rien, je les attends au coin. L'instrumental nique les intrus. À la lampe trop pendue comme dit le rat. Pas le content, tendu, compte rendu brut, plus aussi sec que là où on habite. Quitte à s'en sortir autant que ça se fasse vite. J'envoie la sauce, Kimto et Jeep, couvre mes arrières. Défouraillé, si ça sent le roussi pour mon derrière. Coïncidence, mon rap grandit quand j'y pense. Conséquence, je provoque une affluence, offense nos gosses, insuffisance. Peu importe, j'ai mon aisance, le couplet fait l'effet d'un gémissement. L'équipe au complet, effectivement, je pourrais entourer de mon clan. Clame instinctivement l'autodéfense. J'ai rendu type qui n'a rien à perdre. Comprends que ma mère, je veux qu'elle paye les portes grandes ouvertes. J'essaye de pas rester inerte, je n'excelle dans rien du tout. Les bons comptes ne font plus grand chose. Et surtout, le monopole ne mène à rien. Ouais, je t'ai mis en cause, enfin, qu'un temps. Maintenant que je parle, je suis du genre couilleux et fin verse. Rien à se mettre sous la dent, qui en est soucieux. Laisse-moi jouer le jeu, je gère ça, tranquille, c'est vers quoi. C'est ça, je m'obstine à croire en ce que je fais. Au fond de moi, je n'ai rien de fâcheux. Fais-moi la feinte encore une fois, les choses vont changer. Faut qu'on soit plus à manger. D'un, je viens pas enseigner. De deux, je veux un seigneur. Affaire personnelle. De trois, je t'ai mis au parfum. Reprends ton souffle, enfoiré. T'as qu'à parir, le sang va t'effarer. Je prends le pari, crois le gabarit. Toujours à faire et à flairer les bons coups. Suivi par beaucoup et ivre. Je hais ceux qui ont grandement de quoi vivre. Avant de finir marcabé, je veux les mains copieusement diamantées et monter de grade, marre de patienter, mais niente. Personne m'amène le blé sur un plateau. Je laisse des positions, prenne plus photo. Matricule Carmona alias du CIANO. Pas de la Camorra, mais du quartier Borsalino. Je rappe sans dents, sérieux et jamais en jouant. Plutôt dangereux jeune que dans Juan. On aime l'argent. Je but agir, créer les douleurs, simple aléa. Comme le troisième œil uni au proche, on est aléa. Là une vraie connexion. Pour tout péter, bande ou clan de ratacons. On nique le monopole des grands, les choses vont changer. Faut qu'on soit plus à manger. FFLS, une œuf, nique tout pas de bluff, nique tout pas de bluff. Vraie connexion, direction. Pour tout péter, bande ou clan de ratacons. Nique le monopole des grands, les choses vont changer. Faut qu'on soit plus à manger. FFLS, une œuf, nique tout pas de bluff, nique tout pas de bluff. Car ce qu'on vit se ressemble. Lyrics sans tension, ça parle de filles friques et décentes. On parle de ça et de ce que nous sommes. Ça va durer jusqu'à ce que l'heure de notre mort sonne. Toi qui es de la zone, tu le sais, le sang. L'émotion prend le pas sur la raison comme l'alcool sur le sang. Là où je vis, ça parle de pute ou de filles clean. De gauche, on est moins le kiki, même de Lil Kim. De ce qui dirige le monde, le liquide, le blé. Est-ce qu'on l'aime? Wicked. Lorsqu'on cause, ça part dans tous les sens. De l'heure où l'alcool nous décompose à celle des descentes. Des enquêteurs de la crime, est-ce qu'il est descente? Si t'es plus sur terre, c'est le moment de redescendre. Qu'est-ce qu'on fait? On rit, drink, pin, fume, trim, crack et rime. En venant chez nous, tu te demanderas où c'est que tu atterris. Dans un énorme asile au cœur de la vraie vie. On parle de... On cause de... Ça parle de... Ça cause de... On parle de quoi? On cause de quoi? Ça parle de quoi? Ça cause de quoi? On parle de... On cause de... Ça parle de... Ça parle de filles flic descente, fric brink c'est banque. On a besoin que de drink, papier shit et encre. J'arrive habillé pas très chic mais je rentre. Et quand je crie tu crois que c'est un tox en pleine crise de manque. La lune brille et les soucis te hantent. Tout le vice te tente, c'est que nos vies surpagent. Que le son se propage. Imagine imagine si on sort tout un matos militaire. Tu mets ça dans la rubrique sport, on fait divers. Le réel c'est pas les séries policières ou les infos. Je voudrais niquer la fille du commissaire dans sa Twingo. Tête dingo, sans flingo, cherche les lingots d'or. Sache lingo max, chasse quand le gringo dort. Tu te sens mal ou tu salives, tu te sens seul et tu balises. En pleine nuit on arrive, mon armée de salauds, salut. Rien à foutre de tes règles ou estimations. Seul le tout puissant connaît nos destinations. Dans nos quartiers sur les murs y'a tout un tas de phrases. Et si je le voulais je pourrais en faire mes propres phrases. J'ai trop souvent des prénoms suivis d'un je t'aime. Ou de je te baisse ou suce-moi pour les plus extrêmes. Crois pas que l'état et les flics soient en reste. Cherche bien, tout ouvre à vide et on vous nie qu'on vous déteste. Signez les petites pestes, les mêmes bras de sortir un bout ou une lame dès que tu les testes. Certains appellent ça la cour des miracles. Ce qui n'y sont jamais venus, crois qu'on s'y fait la guerre comme l'Iran et l'Irak. Y'en a pour tout le monde, même pour Jacques. En fait on parle de tout et n'importe quoi dès qu'on fume ce chut. Des coups qui pourraient nous rendre riches. Envoyer derrière les barreaux tout ce qui échoue. Et si tous connaissent ces récits par cœur, au point de se confondre parfois avec Clyde ou Bonnie Parker. FF Funky Family. Ça coste. On parle de quoi? À l'espace Julien, c'est ce soir, concert blindé. Mais c'est pas grave, ce soir dans la nocturne, on se fait notre concert avec la Funky Family. On parle de. On coste. Ça parle de. Ça coste. On parle de quoi? Le hashtag c'est Funky Family sur Skyrock. Bombardez, bombardez. Ça fait plaisir tous les messages. Ça cause de quoi? Planète rap. 100% rap franche. Ah. Le Shit Squad. FF à l'honneur et la scène marseillaise sur ce morceau. Écoutez ça, faites du bruit. Le parc et le panier roulent avec le Shit Squad. Don't sleep roule avec le Shit Squad. Troisième œil et la FF roule avec le Shit Squad. Donne du bangé, je tombe dans l'enquête sans zigzaguer. Aux aguets, des bons et bien gays. Je suis délégué du Shit Squad. Amigo bingo, si tu tiens jusqu'à la fin du gong. Nous sommes tous des James Bond. Shit sous les ongles, skunk qu'on pompe. Ça laisse KO comme un coup de fusil à pomper direct en FAO. Ratman et Batman, ami de boss. Swan et Maria, la Marie-Jeanne. Luciano réaliste, on veut. Si tu veux, on fume-toi la vie mon vieux. Un peu de Marseillaise si tu perds les cheveux. Shit squad, tonton et ses neveux pour les nerveux. Bienvenue dans un shit morveux. J'échange mes sticks seulement contre une femme style Nefertiti. Fais fumer la FF, tonton j'ai fini. T'as pris ton pack et ta femme avec toi, marijuana. Bien roulé que tu tiens entre tes doigts. Quoi, l'atmosphère s'en fume. Fume le shit squad et pas de frime sur ça. La Pumba si ça te dit. Pense au choco de Maxi comme si. Une armada de fumeurs de grande se dispute le contrat. Hey Batty Boy, tu veux rouler avec le squad. Ce n'est pas un fan club de Ease, mais un putain de shit squad. Rouler entre deux feuilles de riz, la quoi. Original bad boy pour le skis fit. Pas de paix en soirée avec les DJ. Fait tourner. Tu veux toucher nos phases, vas-y mets le prix. J't'assure c'est de la bombe, elle monte comme des bambous. Le shit squad tient le bon bout. Toujours dans les bons coups, en tout cas. On s'adonne pas à la para. Ici bas on décompresse comme on peut. La THC nous conduit droit au 7ème cieux. Yo, fais ton joint de canard. À l'écoute des canailles. Tout ça trime pour te défoncer comme la poudre à taille. Tu es dans un studio ou dans un coffee shop. Ambiance hip hop, avoir les yeux de mes potes. Pour eux j'finis en freestyle. J'lâche un funky style. FF, tous mon guetta, oh shit. Guetta, oh shit. I'm getting down, oh shit. Allez, écoute-moi ça, mon fils. I'm getting down, oh shit. Ganja, il y a chez toi, gringo. Elle sautera au nom du père, du fils et du sentenza. Amen. Tu serais sexe si tu n'es pas chaud. Prépare un bon space gazpacho pour tous les sales muchachos de ma clique. Le squad des squads rascal. Tonton Pedro Pascal, tu prendras bien un spatial verre de mezcal un poquito. Débarque avec un kilo pour les mythos. Lâché, non c'est moi avec cabroncito. In situ, bracou, cacou, chez vous y'a plus de sous. Ouh. Attention le ladré, prépare un mauvais coup. Un larcin, un truc de merde, non qu'à nada. Tu connais sentenza qui donc fait péter la banque. Cache le choc, cache ton bloc, voilà les troupes de choc. Le shit squad de retour pour un smoke. Tout remet d'un stock, lourd plat du jour. Space cake allumé, mais allumé, atmosphère embrumée. FF, fait fumer à fond des pensées à la fancy. C'est ça qui m'incite, Don Choa, Hannibal Smith, agence du shit, arrivage de choix. Ici on est à Marseille, mon frère, sorti du droit du container. Le produit qui te met à l'envers. Tu flaires les jouets, mais des chiens de la douane volante. Fume des mixtures à base de boulettes brûlantes, herbe collante. Production de ton Pedro, gros bonnet, tu connais les faits. Je roule avec le shit, quoi, de ces noix de fait, bébé. Faf la rage, fils, ne fume pas. Pedro n'en déplaise, filme. Cigarette, tabac, sec. Là, je suis bien, mec. Les potes fument pour moi. Cirque, Lindo, Dice, Kung, cesse devant moi. Connard, j'ai pas à te dire ce qu'il faut faire pour entrer dans la partie. Fils, tu m'as bien compris. Je crois qu'il y a des vapeurs, représente l'odeur. Premier symptôme qui font sur moi, speed, et lors je suis d'humeur. On pourrait croire que j'intègre le squad quand je compte mes histoires de fantasy à la Stormbringer. Ce que j'ai dit, fils, ça veut rien dire, mais sous l'emprise du shit, le squad c'est un hit. Get out of shit. Check, check, check a little past this. Smoke a lot of trees. Get out of shit. Oh, la gravité a frappé. Get out of shit. Check, check, check a little past this. Smoke a lot of trees. Get out of shit. Au sud y'a du nouveau fils, le squad refait ses faces. Noyé dans la masse avec ses potos, du micro, des mégots, amigo. Des paroles il en faut pour se tenir à nos besoins. Du matin au soir plein, on a cuvé comme du bon vin. Le porc est né en fait, vilain venu qui est notre business. Que la guine, la peste, du diffuse, du sida, tu frappes comme un grillage à Chine. Frappé après un joint, du charas. Colle tes oreilles devant tes paf, tu rêves pas gringo. L'examen est devenu l'impasse sans cesse. Représente notre emblème, la pépesse. Femme du rat, la princesse, pour l'honneur des troupes rebelles, pour la fumette et les belles. T'as dit maman dit sur le mic, ça c'est haki. Fais tourner l'air cosmique pour que la famille mette la panique. Un bon de pot avec tous les wachocho et c'est parti pour le show. FM Freestyle pour représenter avec un joint ganja. Tu ne peux pas lutter, fume, fume, fume avant que la vie te fume. Aujourd'hui j'assume avec le G-Squad, Kiki Production, Association Bangé. Pour des fins de soirée très fatiguées, j'aimerais ziguer les guélés. Pour tous les frères avec qui j'ai calciné des bambous. Du secteur au café Julien, les neveux ne craignent plus rien. Accrochés sur la locale comme des morts de faim. Changa m'attend demain, ouais. Tu reconnais la voix du padré, sorti du 13-7. Sur le mic usé par le pollen et la sensei. Toujours d'attaque avec le shit squad. Mec sur tes gardes, en attendant lyricalement que l'on bombarde. Balance ton cocktail de fer, y'a néné. Si tu cherches la kémia, y'a que chez nous tu pourras la trouver. J'fais pas de topo, j'suis plein de popo. Demande à mes potes, c'est SSS, mec, que j'ai sous le capot. Je pense toujours à mes répètes sans oublier mon matos. Est-il au micro, mon chocos, c'est Vatos Mortos. C'est comme ça que j'aime bosser. J'suis pas du genre à caner ou taper des blocages. Et vas-y, cesse. Ouais, mon beat de popo représente pour le troisième œil. Même si je t'effrite dans mon deux feuilles. Je regarde mes potes drôlement des boss, tous guidés par le haki. Comparé au hasard plein de mémés qu'ils sont chics. Regarde-moi droit dans les yeux, ro. Si arrive pas, quel minable ce gros. Dis-moi, c'est du shit que tu fumes ou des pilules que tu gobabes. Combien de gosses sont voulant se la jouer quand se sont perdus. Je te l'avais dit de rester dans la scène si en soirée, bad boy, pompe un joint. Reste cool comme ton pote, l'ami Ali Aléa. Je ne fume pas, mais préfère voir des gens down avec le shit squash. Kepra Tox, Land à la Dame Squadra. A croire que c'est un championnat où c'est le plus bête qui l'emportera. Avant d'appuyer sur play, t'aurais dû faire un petit. A la santé du squad, Joe Popo, Luciano Pedro. Mon ami, c'est la vie qui veut ça. Enika, Enika, get out. C'est la vie qui veut ça. Get out, get out. Shit, mon ami, get out. Get out, get out. Get out. Lâche-le, 100% rap français, 100% explicite lyrics. Nocturne spécial FF. Dans la vie, cherche vraiment pas à comprendre. Faut que tu vois ça, tu le vis. Les jeunes vont surprendre. On a du vice à revendre et du pognon à prendre. L'état nous pèse et tu le sais, on va se défendre. Cherche pas à comprendre, je dis ce que je vis et ce que je vois. Y'a pas que la mauvaise volonté qui t'écarte de la bonne voie. C'est vrai. Dieu sait qu'ici-bas, on n'a pas toujours le choix. Dans ma tête c'est l'orage, même si la pluie ne tombe pas. J'ai suivi un droit chemin, j'ai pas besoin qu'on me félicite pour ça. Le malheur ne reste jamais loin, le destin n'a pas béni les miens. La nuit tombe, l'impression d'être seul au monde. Ce soir le chat a l'air comme un chien entre deux rondes de Condé. Le trottoir est désert à part des clochards par terre. Le long des murs, carton couverture, les temps sont durs. À côté je vois passer des Mercedes et des Z3, y'a des sous. Le tout est de savoir où et comment les prendre. On a fait à fendre les pierres, le cœur serré frère. Cherche pas à comprendre. Cherche vraiment pas à comprendre, faut que tu vois ça, que tu le vives. Les jeunes vont surprendre. Dans la vie on a du vice à revendre et du pognon à

de la haine. Je place une dédicace pour mon frère Blaze dans mon cœur. Chaque jour que Dieu fait, je pense à mon pote loin de moi. Y'a que dans le cœur ou dans les rêves que je peux le serrer dans mes bras. Garde la foi, frérot. Je sais que tu as la force en toi. Ta deuxième femme, il t'oublie pas. Le son tourne bien, le sang des miens coule. La chance sur eux même de nos jours reste cool. Pas possible, cousin, tu le sais, non? C'est frère Tom, frère Dan et Tom, ils restent leur nom. Loin des yeux, pourtant dans les lettres, j'entends sa voix, des larmes tombent. C'est mon choix de rester proche, même séparé. Je trahis mes potes, non, ça se verrait. J'aimerais être près de lui pour qu'il voie l'ami pleurer. Les absents manquent un maximum. Quand on y pense, la vie elle continue, mais quand même. Juste pour les souvenirs d'enfance, dur d'oublier. Je suis formel, les morts naturelles c'est fini. Toujours histoire de criminel, à cause de minettes pleines de rimmel. Tu peux manger la gamelle et gamin, on gamme les mêmes des jumelles. Le temps change, le bordel augmente, le mal règne entre les mères et les familles présentes sur cette terre. Des frères disparaissent jeunes, le deuil tourne dans les quartiers. Et nos cœurs en pleurent et pas seuls, le malheur prend l'ampleur, le bonheur fout le camp. Range ton mousse, on fait partie du même camp. Unis à la vie, à la mort, ensemble on rit, les proches pleurent. Loin des yeux, on reste près du cœur, tous bourrés. On se remémore le bon comme le mauvais. Voir un ami pleurer. Au sein des sanctuaires, jeunes et pauvres, on se considère en tant que frères. Unis à la vie, à la mort, fiers et solidaires devant nos galères. Injustice, pavure de la police, faute de jadis, devenus jaloux qui te maudissent. Avec le temps, t'apprends à protéger tes amis. En cas de haja, tu sautes, quitte à risquer ta vie. Tout n'est pas rose, tout n'est pas triste, non plus dans les rues. On passe des rires aux sanglots quand on a trop bu. Une fois de plus, des bons à outrance. Je pense aux absents impatients de les revoir. On garde l'espoir, et faut y croire, frère. Ce qui te détruit pas t'endurcit. Prouve-nous-le, j'en serai que parmi les plus heureux. Et sur ce, je poursuis pour celui avec qui j'en ai traversé. D'entre mes versets lui sont adressés. Je nous revois au lycée décompressé. Tandis que les autres étaient en cours. Loin de mes yeux, tu restes près de mon cœur pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, je pense à mon pote loin de moi. Y'a que dans le cœur ou dans les rêves que je peux le serrer dans mes bras. Garde la foi, frérot, je sais que tu as la force en toi. Ta deuxième femme, il t'oublie pas. C'est... Tant de visage indélébile entre mon esprit proche parti. Absence du ressenti, trop de gens manquent à l'appel. Les jours de fête, attente sans fin, les larmes pénètrent, échangent bien des têtes. Aux disparus, pour nous leur fin n'est pas heureuse. Auprès des corps, des cris, des pleurs, paroles pieuses, garde la foi. Seul reste le souvenir chaque soir. Un chien d'honneur pour qu'ils vivent dans nos mémoires. FF, aux absents. Quelle nocturne, merci pour les messages. Ça va faire plaisir à Pone, beaucoup de soutien pour Pone. C'est pour lui le concert à l'espace Julien avec la Funky Family. Allez, encore 2-3 morceaux de la FF. On pourra en rester au moins jusqu'à 6h du mat. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. FF, Marginal Music. Ah, le rap, c'est toute une histoire. C'est mon présent, Inch'Allah mon avenir, c'est ma prison. Seule la mort peut m'en faire sortir, inséparable de moi. Comme la lune de la nuit ou le regard de l'œil du cap. Le rap c'est ma vie, c'est mon métier, mon chantier. Ma partie de poker, mon moyen d'oublier le monde entier. Mon moyen d'avoir le sourire aux lèvres comme Marvin. Mon moyen d'écrire mon histoire et celle de ma vie. La fond au volant de ma vie. Le rap c'est comme la rue, trop sérieux ça s'éloigne. Si tu déconnes, pas ni on te respecte si t'es droit. C'est comme dans la rue, tout le monde veut la place de l'offre, le blé de l'offre, baiser le monde et se payer la femme de l'offre. C'est des petits, des grands, des petites, des grandes. Le rap c'est un refuge pour ceux que la vie est grande. C'est des kilomètres de nord, une passion, du biz, des euros. Le rap c'est l'existence de nous hommes. Personne ne représente, alors on fait nous-mêmes ce qu'on entend jamais. Par amour du game, par appât du gain, pour l'honneur des tiens. Entre la marginale musique. Personne nous représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on n'entend jamais. Entre la marginale musique. Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais c'est une faux pas. Entre la marginale. Mets-moi des bâtons dans les roues, je continuerai sur les jambes. Vise ma tête et mon rap entrera peut-être dans la légende. J'ai plus rien à perdre, le temps c'est du rap. Le rap si tu plais, le blé si tu l'es. Pour les biberons de mon bébé, je peux plus laisser quiconque goûter le pain de la bouche. Si je me laisse mettre sur la touche, qui lui paiera ses couches. Le rap c'est ma drogue, mon sport. C'est là que j'ai mis tous mes espoirs. Je veux qu'ils mentionnent nos noms quand ils raconteront son histoire. C'est

pour bien que tu comprennes le sens de l'expression. Faut-il que je laisse une capote usagée dans ton salon? Traite-moi de salaud, don't show, salma abominable. Je me prends pas pour ton faux, j'ai qu'un seul abdominal. Entre dans le coin chaud, on te plaque comme la comina. Allez, dors, comme sur les tables de l'école communale. J'arrive et je dis, c'est qui ce crétin? Un alcoolique, un petit naïf, un mal poli qui planque un petit canif. Si tu savais comment je leur chie dessus, ils nous critiquent, mais connaissent-ils vraiment la vie de rue? Tu es un parmi des millions, ils n'en ont plus rien à foutre. Arrive incognito comme un fou dans la foule. Je préfère aller en studio que faire des trous dans la route. Je préfère la classe à faire que faire un tour dans la soute. L'honneur sont ordinaires pour de simples citadins. Et fait brûle ça bien si tu te crois si malin. C'est maintenant, combien ils passent bêtement? D'ici demain temps, on part en rien de temps. Chaud ambiance, 20 ans, bouge ta gueule sans 20 ans. La fièvre du béton prend, faut y aller maintenant. La soirée c'est maintenant. Et si tu me voyais en BM bang, on vient braquer tout ça mais sans flingue. N'aie crainte, je viens pas épater la galerie. Il faudrait plus qu'une fente pour stopper ma cavalerie. Tu tiens à nous néguer, donc on prend le large. Pour les sous-marins, ni ceux qui en sous-marin jouent les ennemis. T'as beau envoyer tes mails, des mails et t'es mal barré. Plus personne ne viendra t'aider, ton organisme va serrer, ça va être infernal. FF est de retour, on se doit te faire mal. Ferme-la, si t'es pas d'accord avec ce que je défends. Les miens du béton aiment ça, et on s'en fait vent. Je vais pas soigner mon langage pour faire vendre. Rapper sur des sondages ou sous des airs tendres. Fais ton truc maintenant, qui sait où tu seras demain. On peut y passer bêtement, on a rien de temps. C'est maintenant, pousse le sang, vas-y fais le dingue. Bouge ta viande, n'aie crainte si la température grimpe. On est entre nous, entre crèves, entre pouces de la zone qui ont la fièvre. J'suis pas un vendeur de rêve, dédié à ceux qui sont dedans et dehors. Soit dans le coup ou hors, ça vient du 13 et pas de New York. Ici FF, tu penses connaître la recette, mais les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent être. Si tu veux, nique la fête, on donne l'alerte pour nos frères, nos sœurs qui aiment. Et l'ambiance montre parfaite, touche ton front, voici la fièvre monte. Faut pas le croque mort, mais croque le monde. Sans regret, sans remords, c'est maintenant. À tout moment, on peut y passer bêtement. Sur terre, c'est vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Père, mon clan, ma clique et les autres. Amis, si t'aimes le béton, mets la main sur ton cœur et voici le pas vite. C'est maintenant, on peut y passer bêtement. D'ici demain, temps, on part en rien de temps. Chaud ambiance, rien de temps, bouge ta viande sans même sang. La fièvre du béton prend, faut y aller maintenant. On sait jamais, la fièvre du béton. D'ici demain, pour Abdallah, de force des mixités, celle-ci. Chaud ambiance, rien de temps, bouge ta viande sans même sang. La fièvre du béton prend, faut y aller maintenant. 100% français. La nocturne. Nocturne spécial FF. Et dernier son pour ce soir de la FF, si je les avais écoutés. Issu de l'école de la vie et des enfoirés aussi. Où je serais si je les avais écoutés à cette heure-ci? Peut-être au beau maître, si les flics m'avaient passé les gourmettes. 213 chemin de Morchou, on connaît l'adresse. Honnête, je l'ai pas toujours été, je l'avoue. Avoir arrêté les études, après tout ça, je m'en fous, c'est fait. Je suis ce que je suis et compte bien rester. Je les attends de pied ferme, ceux qui comptent nous tester. À mes débuts, combien ont cru me dégoûter. Mon même dit d'arrêter sur ce, j'ai bossé dur comme si de rien n'était. Voilà le résultat, une vengeance des plus classée. C'est mon esprit de revanche qu'ils auront renforcé. Merci à ceux qui n'ont jamais cru en nous, voyez de vous-même. 4 ans après, malgré les vies qu'on mène, on forme que. Je respecte ça et ça n'a pas de prix. C'est nous contre le reste du monde, le temps et son emprise. Merci aussi à nos mères et ceux qui étaient là dans tous ces sales moments. Sans vous, FF, vous ne serez pas ce que c'est en ce moment. Vos encouragements, tous étaient reçus. Après 100 000 ventes, on n'a pas perdu le vrai de vue de gaz. Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été, je m'en fous, mentalité d'excité. Plus t'en douter du tout, rien de mieux à faire que de lutter. Bien équipé d'un flair de loup, pour pas rester dégoûté. Prenez de quoi être fier de nous. Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été, je m'en fous, mentalité d'excité. Rien de mieux à faire que de lutter, bien équipé d'un flair de loup, pour pas rester dégoûté. Prenez de quoi être fier de nous. Si je les écoutais, non, j'ai fait sans savoir. Poser dans une puissance qu'un riche ne peut avoir, que personne ne peut voir. Un truc unique et si sain qu'on a sans nous. Envie de vaincre, moi on peut dire qu'on a sans nous. C'est notre dernier espoir, donc faut pas désespoir. Si je les avais écoutés, j'aurais pas fait mon devoir. Et depuis, mon quartier me couvre, malgré nos différents. Le gars tient le coup, et y'a rien de différent dans mon crew. Si j'y étais, si j'avais été, rien à foutre. Toujours été bien dans ce que je m'étais bien dans ce dur métier. Plus le temps de douter du doux sans se voiler la face. On peut goûter à tout, mets-toi à nos places au cas où. Danse-moi, on soit sans limite, que la joie illumine ton visage, car dans ce monde, on s'élimine. Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été, je m'en fous, mentalité d'excité. Plus le temps de douter du tout, rien de mieux à faire que lutter bien équipé d'un flair de loup. Pour pas rester dégoûté, qu'on ait de quoi être fier de nous. Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été, je m'en fous, mentalité d'excité. Rien de mieux à faire que lutter bien équipé d'un flair de loup. Pour pas rester dégoûté, qu'on est trois et fier de nous. Je médite, me dis que dans ce monde y'a trop de belles choses. Pour le moment je pose ma voix et accomplis un rêve de gosse. Si j'avais écouté certains, surtout ce serait éteint. Plutôt j'ai cru en mon destin, foncé d'aussitôt claquer les portes du bahut avant que ses profs m'aient eu. Me suis rué vers un art de rue que les grandes gueules disaient perdu d'avance. Beaucoup ont eu confiance à ce qu'on faisait pour vous, je peux le dire. On les a baisés avec un album osé. Causer quelques soucis à ma mère. Remercie ma sœur d'avoir camouflé l'affaire. Que je puisse faire quelques concerts. Ce texte concerne mes proches et les cloches. Ceci est le fruit de vos reproches. J'ai pas fini dans la débauche. Je me débrouille et serai encore là pour casser les couilles en demi avec ma famille. Si j'étais, si j'avais été, je m'en fous. Mentalité d'excité. Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été, je m'en fous. Putain, noter du tout. 99, rien de spécial. Fave revient à l'essentiel. Inch'Allah avec l'aide du ciel. Si Dieu est suivi, tu es de celles qui ont fait de nous la FR. Ne serait-ce que par rapport à eux, faut pas qu'on s'égare. Ce qu'on rappe, ça sort du cœur, un peu comme les paroles de nos mères à notre égard. Tu vois ce qu'on fait, c'est de l'art, de l'art, de la rue, mais. Et c'est comme ça, et ça le restera. Juste histoire qu'on soit fiers de nous. Et on fait notre devoir pour nos gars. Pour tout ce qui nous tient. C'est la FR, section Mouktou, Marseille. Section Mouktou. C'est pas la fin de la nocturne, mais c'est la fin de cette heure, un peu plus d'une heure consacrée à la Funky Family. La Funky Family qui se reforme exceptionnellement et en soutien à Pone, le DJ, le producteur. D'ailleurs, je tiens à saluer tous les membres de la Funky Family. L'autre DJ, le producteur important de la FF, Gel. Grosse dédicace à Gel, Menzo. Grosse dédicace à Menzo. Une dédicace, évidemment, au Raluciano, à Don Choa qu'on avait en ligne tout à l'heure, à Sat, à Monsieur Fell. À Fafa, Fafa aussi, une grosse grosse dédicace à Fafa. Je vous souhaite un excellent concert les gars, franchement défoncez tout. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des places pour ce concert, je pense que ça risque d'être un sacré pied demain du côté de l'espace Julien. Et puis comme le disait le premier album, Inch'Allah si Dieu veut, pour la suite on vous retrouvera avec grand plaisir au micro de Skyrock. Merci à la Funky Family au complet hein. Et bon concert à vous tous. Le son, ça continue. On va rester un petit peu à Marseille encore avec Alonso qui était notre invité cette semaine entre 20 et 21 et Jules qu'on écoute pour Normal. Allez, on continue encore un petit peu de son dans la nocturne 100% rap français. Je tenais aussi à vous remercier vous tous pour les messages. Je vois tous les messages qui arrivent avec le hashtag Funky Family sur Skyrock. Ça a défoncé cette nocturne, ça fait plaisir et c'est pas fini. Le bon Dieu m'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jack Mel pour m'exciter. Roue arrière, y'a pas de train, j'frappe dans la cité. Ça vend du shit en lamelle et ramené. C'est toi qui fais le mac au final, tu veux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es en boule d'idée. Au pire, j'mets un masque sous le casque AGB. C'est tout la LON en direct à Pointa. C'est pour les frangins qui mettent un île en gêne. Normal pour les anciens. Pour ceux anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en crête, y'a des mecs comme ça. Que des délétudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines. Des baumettes à nuit. Et j'gamberge. J'fume plus, j'oublie. Surfait en boîte, normal. Comme but la bol, normal. Pas la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. J'cache la plaque, normal. Paire de hockey, normal. Un pack sans cagoule, normal. Hardcore, et j'dors, t'es mort. La nuit pleine de tort.

je vois devant moi, c'est la bête noire. T'as pas tu de l'histoire, je rap français, je suis la bête noire. Dans la nocturne, le clip est arrivé tout à l'heure. Et le son sur Skyrock dans la nocturne, la bête noire. Avenir du son de Sams, son morceau Microbe, Fababi aussi qui est passé chez Difool dans la radio libre entre 21h et minuit cette semaine. On écoutera son morceau. Kaïps aussi, ça arrive avec Gradure dans un instant. La nocturne. C'est la nocturne sur Skyrock, 100% rap français. Avec Fababi maintenant. J'ai besoin de sommeil. Si tu m'aimes, arrête tes bêtises. Il faut grandir. Tu me fais pleurer la nuit. T'es tombé love d'un voyou. T'es tombé love d'un voyou. T'es tombé love d'un voyou. Ça doit finir entre nous. J'suis tombé love d'un voyou. J'suis tombé love d'un voyou. Ça doit finir entre nous. Je recherche les fous rires, les sourires qu'on oublie au milieu de la banlieue. Vu là où on a grandi, on a commis des délits, on espère un non-lieu. T'es tombé love d'un voyou. T'es tombé love d'un voyou. T'es tombé love d'un voyou. Ça doit finir entre nous. Cette vie est trop dangereuse, pour ça que je t'esquive tout le temps. Et moi je suis amoureuse, pour ça je t'appelle souvent. Moi j'ai grandi sans rien, je veux pas ça pour mon fils. Et pour qu'il t'arrive bien souvent, la nuit je prie. T'as fait pleurer ta mère, est-ce que tu penses à moi? J'ai trop peur de la lumière, car j'ai vécu dans le noir. J'ai lire entre les lignes, j'aime pas trop lire de livres. Le temps me fait mourir pendant que l'espoir fait vivre. Si tu m'aimes, arrête tes bêtises. Il faut grandir. Tu me fais pleurer la nuit. T'es tombé love d'un voyou. T'es tombé love d'un voyou. T'es tombé love d'un voyou. Ça doit finir entre nous. J'suis tombé là d'un voyou. J'suis tombé là d'un voyou. J'suis tombé là d'un voyou. Ça doit finir entre nous. Je recherche les fous rires, les sourires qu'on oublie au milieu de la banlieue. Vu là où on a grandi, on a commis des délits, on espère un non-lieu. T'es tombé là d'un voyou. T'es tombé là d'un voyou. T'es tombé là d'un voyou. Ça doit finir entre nous. J'suis tombé là d'un voyou. J'suis tombé là d'un voyou. J'suis tombé là d'un voyou. J'suis tombé, tombé, tombé, tombé, tombé là. J'suis tombé, tombé, tombé, tombé, tombé là. Aya Nakamura. Français. 100% explicite lyrics. La nocturne. La nocturne. Avec Sams. morceau qui s'appelle Microbe. Sur ton big cross, Yama. Ce qu'on veut, c'est devenir big boss. Yama. Petit microbe sur son big cross. Si j'ai le caché dans le Levi Strauss, à fond dans le SNES, vise à test. Ce qu'on veut, c'est devenir les big boss. Ce qu'on veut, c'est faire des lobes. Les bécanons, ils sont levés. Y'a personne pour nous élever. Faut que ta morale, le grand frère, s'est fait lever. Bonnet Gucci, sac élevé, équipe de Kassov. Tous mes assos sont énervés, ramène le matos. La balance, le lactose, la rebu, on la dose. Planque tout la nourrice, c'est Hervé. Planque tout la nourrice, c'est Hervé. Tu veux Haja, frère, tu sonnes chez Hervé. Mais tu connais la street, pied de biche. Un matin, on est plus cassé chez Hervé. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles, nous. La vie, l'école, les cœurs, l'avenir. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles, nous. Non. Nous on s'en bat les couilles, nous. On deal, on bise, on fume, on tire. L'avenir, on s'en bat les couilles, nous. C'est un peu con mais qu'est-ce que tu peux y faire. Le bif dans ma génération prolifère. À peine les dents de Léon sans l'écran. On va trop vite, Ayam l'a dit dans le morceau petit frère. On est à fond dans la rodka. La vie d'Aloca, ça baisse en vodka. Pas besoin d'amour mais d'un avocat. Jeffrey, ramène des glaçons pour la vodka. Ouais, je sais quoi les baïgo mon gava. À 19 je fais le kilo mon gava. Mais la moitié le rage avance mon gava. En ce moment je pèse Tony Montana. Je fais mon bif avant que les flics s'en mêlent. Sous le clic clac les lèvres sont de mille m'amènent. Pas de mic mac, vive l'argent du deal m'amène. Celui qui me clash ma parole je nique sa mère. Yama. On s'en bat les couilles nous. On s'en bat les couilles nous. La vie, l'école, les keufs, l'avenir. On s'en bat les couilles nous. On s'en bat les couilles nous. Non, nous on s'en bat les couilles nous. On deal, on bise, on fume, on tire, l'avenir, on s'en bat les couilles, nous. Petit microbe sur son big cross. Si j'ai caché dans le Levi Strauss. À fond dans le SNES, vive la tête. Ce qu'on veut, c'est devenir les big boss. Petit microbe sur son big cross. Petit microbe sur son big cross. À fond dans le SNES, vive la tête. Ce qu'on veut, c'est devenir les big boss. Posé au crime, ta caricature un banc. Un grand de chez moi m'a rencardé sur un plan. J'ai de quoi me refaire, fuck le commissaire, il saute ma planche, démarre un bis de chaque en blanc. Pour être quelqu'un, on te mesure au rendement. Comme ça que ça se passe, je vais pas te faire de roman. Dans le faux, je sais, changer, j'essaie. Je joue un produit de mon environnement. Quel plan l'avenir me réserve. Quel plan l'avenir me réserve. La vie c'est pas la play, y'a pas de bouton reset. Jeune et ambitieux, que Dieu nous préserve. Si seulement je pouvais remonter le temps. Savoir à quel moment l'ange est devenu mutant. Pardonnez toutes mes fautes, je ne suis qu'un débutant. Au passage, je m'appelle Moussa, je n'ai que 18 ans. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles, nous. La vie, l'école, les keufs, l'avenir. On s'en bat les couilles, nous. Petit microbe sur son big cross. Si j'ai caché dans le Levi Strauss. À fond dans le SNES, vive la tête. Ce qu'on veut, c'est devenir les big boss. Sams 100% rap français, planète rap. La nocturne. Et là, c'est Giorgio dans la nocturne 100% rap français. Chaque coin de rue ça pue l'amertume, ça vend la verdure. Crois pas que l'amour a perduré, on pense qu'à faire du blé avec la tête dure. On a tous fait nos preuves dans des quartiers sombres. On y passe les 4 saisons, ils ont fait des conneries. On a goumé nos refs, faut pas que petit frère fume et boive. Rêve de salope, insulte les femmes. En 2-3 fréquentations, deviennent le pire ennemi de l'état. Combien on gérait des fours, là juste tu la vois. Quand tes bâtiments t'ont joué des tours, je sais que la galère ça pousse au vice. Qu'on sera plus intelligent entre les cours et la rue, on est vrai couteau suisse. J'ai trop entendu ces paroles dans des halls avec les vides pétées. Demande à ses selles, craquer, je me répète comme un disque crayé. Traîner avec les mêmes gars, parler de tout, de rien reporter. Les objectifs de la veille, dire qu'on gère à tout demain. Serrer les mêmes mains, croiser les mêmes regards, des refrains qui descendent. Avec une barrette de 10 ou une canette de cheese. Des packs de pierre après la salle de sport, des grecs à emporter. Putain de quartier à tête de mort, y'a le poteau qu'on voit plus trop. Sur son dos y'a des rumeurs, des des plans qui se forment, ça pue la pisse. Sur le banc des gens qui dorment, tu vois ton ex du collège, elle pense que t'as pas changé. Que t'es encore la proie de la PAC et tu la vois monter dans un BM d'un mec costard cravate, ça vanne dans tous les sens. Dire qu'elle t'avait fait cocu, que t'avais pété les plombs, t'avais traité sa mère grosse pute. Tu sortes 48 heures de garde-arbre, c'est pas grave, hein. T'as jamais peur du placard, ni des bagarres, c'est ta life, hein. Ça sort tête haute sans donner nom. Au checks, on a tous des blasts, sauf toi. Pareil, y'a rien qui te correspond. Ça rend dormir quand nos mères se lèvent, faut cacher les yeux rouges. Complètement bourré, t'as réveillé ta sœur qui t'a dit, mais t'es chelou. Aucun frérot sur Facebook, aucune photo à voir. Hier, t'as mis celle de ton père, et tu veux juste entendre sa voix. Tu connaissais tous les papas qui partent et les paratineurs, mais pas la souffrance d'un fils quand c'est le papa qui meurt. Le frigo vide et l'aide de Pôle emploi, les demandes d'appel, aucun moyen de trouver le sommeil. Tu veux juste être bourré d'oseille, malheureusement, c'est pas le cas. Ça pense aux flingues, au braquage. Avant, j'ai cette putain d'enfance dont tu parles pas. Y'a du shit, plus de cigarettes, l'épicier a fermé ses dailles. T'es en galère pourtant dans des bises de cartouches d'Espagne. Et impossible de trouver le sommeil, alors tu fais des pompes, des tractions, des abdos. Impossible de trouver le sommeil, alors tu zones sur Facebook, Twitter, Instagram. Impossible de trouver le sommeil, tu regardes un film, t'arrives au générique. Impossible de trouver le sommeil, et au moment où tu t'y attends le moins, il tombe dessus. Et le lendemain, mon frère, t'es reparti. Ouais, le lendemain, ça dépose des CV, mais t'espères même plus qu'on te rappelle. Tu le fais pour ta conscience et puis éviter des galères. Avoir un peu de bif, bouger dans des réseaux qui vendent du rêve, pas le choix. Se détruire, se consumer, ne plus apercevoir le temps qui passe. Étouffé dans la routine des week-ends, ouais, rien que ça pense à baiser des fliquettes. Le vendredi, tu vois des sauces partir à la mosquée. Toi, t'es de famille athée, comment y croire, on est si peu gâtés. On a grandi sans rien, on a perdu nos valeurs. Putain de vie de chien, mentir sur Twitter, dormir jusqu'à 16h. Fini l'époque de la haine, vendre des barrettes c'est de la merde. D'ailleurs on les a vus vendre la poisse, mais pas les regrets qui s'amènent. Des coups de schlasse, histoire de terrain, de meufs, de petits frères. Le quartier nous a soudés, on se le dira une fois au cimetière. Vous fait parler doutes, les problèmes d'apparence, les coups au cœur. Les mecs qui transpirent la jalousie, pour des pompes à foutre au cœur. Croiser les anciens chez le coiffeur, le fils des voisins à la poste. Puis apprendre par son meilleur pote qu'aujourd'hui il est comme moi, ouais il est devenu rappeur. C'est pour les anges déchus, c'est pour les gens déçus. Ouais. Chaque coin de rue, ça pue l'amertume, ça vend la verdure. Crois pas que l'amour a perduré, on pense qu'à faire du blé avec la tête dure. Demain c'est loin, demain c'est mort, demain c'est affreux. Parce que j'ai des potes sur le terrain que la juge met hors jeu. Demain c'est loin, demain c'est mort, demain c'est affreux. Parce que j'ai des potes sur le terrain que la juge met hors jeu. Air Force

compte mes liasses. Pendant ça, Griselda dans la douche. Maman n'a pas le bac de lecture, pourtant elle sait lire les factures. Je remercie le ciel encore, il reste des bons hommes comme Gradure. Mais où sont les vrais de l'équipe? Si je pète le million, la cotine à Mboka. Si aujourd'hui je prends le là, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils il prend le là. Les jours ils passent et je vois les lâches. Commencez à prier au cas où ça va tirer. Pour mes charrons. Aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils il prend de l'âge. Le jour il passe et je vois les lâches. Rap, 100% rap français. Every day, Rimkoff. Every day, coin. Every day, un robe dans l'épicerie. J'paye avec des faux cultes. 2 grammes de Colombie. Ça c'est pour faire kiffer ta bitch. Je me suis payé un plus gros prolique. Je me suis payé une villa dans le sud. On vit avec l'Afrique, yo Hulk. Y'a des Mexicains dans mon studio. Oh, la vie est belle. Des sous dans un sac, poubelle. La haine et du sang sous les semelles. J'suis comme un esclave contre le maître. Je me rebelle. J'rêve de braquer la banque of America déguisé en Père Noël. Aux douanes, j'passe dans la fouille corporelle. Ils veulent voir ce que j'ai dans le Solwell. Toujours suspect dans une BLU black. En viré no cure, non scotch les plaques. Traction, traction, on se maintient même quand y'a pas de sous. Même quand y'a pas de sous. L'envoi toujours enroué. Les billets bien enroulés. Ils ont rêvé qu'ils me voyaient couler. Mais ce jour n'est jamais arrivé. All around this bitch with 10 bands on a nigga like every day. I'm from East Atlanta, I can get money in like every way. While I'm round, round, listening to Tupac, praying for better days. If I want it, I'ma cop it right then, I ain't motherfucking hesitate. But a little bit pushed too hard, had a little hoe devastated. And I sold out every week on that block, cause I sell the latest. And don't think about shit too hard, hell no, no meditating. I'm from the East, no West, but I need me a Kim Kardashian. Every day, every day, every day. Every day, every day, every day, every day, every day. Je voulais faire le quartier, je suis parti à Roissy et j'ai pris un billet. Arrivé aux USA, ils m'ont dit c'était chaud dans les rues, ça tirait. Ma ville, le Rio de Janeiro, mon gang, le 113. J'aurais vu ma situation, j'en avais rien à cirer. Mon histoire commence rue Camille Route. Nourri de déception, j'ai fait ma route. J'aurais fait plus d'argent sur les terrains de foot. Mais tant que la maman est bien, j'en ai rien à foutre. Tant qu'elle met ce qu'elle veut dans la soupe. Tant qu'elle met ce qu'elle veut dans la soute. Les deux pieds ancrés dans le quartier, à créer des liens qu'on ne peut dissoudre. Every day I walk around with a lot of money. Blue cheese, I like a lot of hunger. See, I'm feeling nigga like me, you know I need a lot of commas. On the truth with the rap shit, but every day I lie to someone. Me and Run K going crazy on the beat like this, hell. Met the Eiffel Tower, get hit from a freak like this, hell. Sign of my throat, hell nah, let me get this shit clear. Reincarnation, boy, I'm going crazy. Swear to God, I've been here. Every day, every day, every day, every day, every day. Every day, every day, every day. Every day. Planète rap, 100% rap français. Ouais. Belle ou ihaz, gros. Voilà, B. N-I-R-O. Lion. Ouais, gros. Champignizou. J'ai vu des types jouer les 6 gros. Les 6 gros se faire affaler par des types. Et se faire trouver pour des billets froissés. On a passé l'âge. On a passé l'âge. On a passé l'âge. On a passé l'âge. Parce que la vie nous rafale quand j'écris ça fait pisser le sang. J'ai vu des refrains s'enfourcher pour du cash et laisser l'amitié sur les jantes. J'ai passé l'âge pour les trafics au père en équipe bousillé par les substances qui nous fragilisent. Bouffé niqué dans un délire de paro négro. On va tous arroser comme des plantes. On est des fous négros. Tu connais le délire. J'ai pas d'attache, je suis sorti du ventre de ma mère comme d'une garde avec une dalle terrible. On se félicite pour nos crimes et délits. Parce que la vie c'est de la baisse. J'ai vu des bâtards soulever des types un peu comme Erkeli sa mère. J'accélère comme un fucking hustler. Fus laser mis avec un gros SLR. Des rappeurs sont des salopes qui dansent stringé au Pink Paradise ou un hustler. On a passé l'âge de tes enfantillages. Je connais la rue gros comme mes chevaux. Je veux pas finir percé. On fait le taf dans le hood sans plaguer. On a pas la gueule à Brad Pitt ma gueule. Mais on peut te niquer ta mère sans la draguer. Je répète. On fait le taf dans le hood sans plaguer. On a pas la gueule à Brad Pitt ma gueule. Mais on peut te niquer ta mère sans la draguer. Brutalisé par la vie dans le ghetto. La rapacité dans la tête. Le poil à B frérot c'est la hesse. Passe le salam au frère B-L-O-I-S. Avec son père il nous gagne sans gloire. Avant de finir dans un bain de sang j'dois. Laissez du pif à la mif mon ami. La zizis d'ami m'a laissé sans voix. Qu'est-ce que je vais devenir va savoir. On a passé l'œil. De faire les gongoles avec l'oseille. On a passé l'œil. De se demander est-ce qu'on aura les épaules à c'est l'heure. Pour assumer on a passé l'âge. Fuyez. Après balade, ok, cadavre après cadavre. J'm'adapte sans les miens, la vie a pas de goût. Comme le riz, les pâtes en gardable. Ok, on a passé l'âge de faire les gogoles. Écouter du rap, ça m'intéresse plus. Pour les mettre bien, j'aurais fait ce que j'ai pu. J'veux plus rapper gratuit pour enrichir des putes. N.I.R. au fournit que de la rue. J'goberge à tout ça sous votre carré de bulle. Tu verras plus ma gueule dans un arrêt de bus. Sur un patralis, gros, tu nous verrais plus. Le goût, l'odeur, la consistance et l'aspect. C'est pas des hommes, qu'est-ce que t'en penses. Ils ont une légère tendance de t'aspect. J'me demande. On commencera leur descendance. On a passé l'âge. On a passé l'âge. On a passé l'âge. Fuyez. On a passé l'âge. On a passé l'âge. J'ai vu des types jouer les 6 gros. Les 6 gros se faire avaler par des types. Et se faire crever pour des billets froissés. J'connais la rue et ses mythes. Les fils de pute et les miches. Du sang sur la montre à tuer le temps dans les délires cramés. Même avec les années qui passent, le succès je m'y habitue pas. On m'attend pas comme un cancer du poumon dans la vie d'un gars qui fume pas. Tu veux savoir comment je me porte, salope. Demande à ceux qui m'aiment pas. Ceux qui propagent des rumeurs sur moi. Je suis tellement haut qu'ils me font des messes. L'industriel cul fermé. Appelle-moi quand ce sera open bar. De toute façon ils m'intéressent pas. Tant pis pour eux s'ils se reconnaissent pas. On a passé l'œil. De traîner, de faire les gogoles. On a passé l'œil. Planète rap 100% rap français. C'est la nocturne 100% rap français avec du son. Petit dernier morceau, celui de Lefa qui est arrivé cette semaine. Quelques minutes peuvent bousculer ta life, te faire mal, aïe aïe. En quelques minutes, les menottes, rendez-vous au tribunal, aïe aïe. Fais vite, fais vite, fais vite avant que aïe aïe. Ouh ouh, aïe aïe. Aïe aïe, aïe aïe. Aïe aïe.